J'ai commencé hier à expliquer un aspect du phénomène de la pensée. J'ai voulu faire comprendre que lorsque l'homme pense, pour quelque raison que ce soit, même quand il pense bien, lorsque l'homme pense, son intelligence est violée. Et je ne veux pas recommencer sa conversation d'hier parce que je ne peux pas recommencer, mais je veux continuer dans ce thème-là. Mais je vais donner un peu le tableau de ce que j'ai expliqué. On a l'impression, à cause de la façon dont on vit, à cause du fait qu'on pense, penser pour nous, ça fait tellement partie de notre activité cérébrale naturelle, on a l'impression que penser, quand on pense bien, ça nous sert. Et c'est très difficile pour nous de dissocier le phénomène d'une pensée positive du bénéfice que cette pensée positive-là nous donne. C'est une situation qui est irréductible parce que c'est seulement lorsque l'homme fonctionne d'une autre façon mentalement qu'il réalise que la pensée ne lui sert pas du tout. Que la pensée, comme j'expliquais, est un phénomène d'absorption de notre esprit, qui est créé par une vibration dans notre esprit, par l'ajusteur de pensée, et qui permet que des pensées qui sont dans les éthers s'accolent à notre esprit. Alors, comme je disais, l'ajusteur de pensée est ici, l'esprit de l'homme est ici. L'ajusteur de pensée fait vibrer l'esprit de l'homme, et aussitôt que l'esprit de l'homme vibre, il absorbe une pensée. Alors, l'homme peut absorber toutes sortes de pensées qui sont dans les éthers. Et ces pensées-là qu'il absorbe ne le servent pas. Ce sont des pensées qui lui permettent de penser. Mais les pensées ne lui servent pas parce que ces pensées-là ne sont pas créées pour le bénéfice de l'homme, mais sont créés pour le bénéfice des intelligences qui sont en dehors de ce que l'on appelle le rayonnement des ajusteurs de pensée. Et j'aimerais que vous fassiez une expérience, soit ici ou à la maison, je ne sais pas. Ceux qui peuvent communiquer avec leur ajusteur de pensée, demandez-leur de faire vibrer votre esprit pour que vous réalisiez une pensée qui vient lorsqu'ils font vibrer votre esprit. Et vous allez voir que si ces ajusteurs-là sont suffisamment près de vous, ils vont vous faire vibrer des pensées. Autrement dit, ils vont faire vibrer votre esprit qui va attirer des éthers une pensée. Et vous allez voir que cette pensée-là n'est pas une pensée que vous, personnellement, vous penseriez. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça, c'est la mécanique la plus fondamentale qui a jamais été donnée à l'homme de comprendre. Je vous donne un moyen. C'est comme si tu disais à l'ajusteur, bon ben, fais-moi donc penser une pensée, fais-moi donc vibrer mon esprit pour voir quelle sorte de pensée qui va rentrer dans mon esprit. Puis il va faire vibrer votre esprit, puis là, il y a une pensée qui va venir. Puis ça va être une pensée qui ne sera pas nécessairement une pensée qui ferait normalement partie de votre expérience de penseur. Autrement dit, exemple. supposons que vous êtes une bonne mère de famille, puis vous sacrez jamais, puis vous êtes toujours bien, puis vous êtes bien. Vous êtes toujours bien, vous avez toujours des pensées ordonnées. Il va faire vibrer votre esprit, puis il va vous rentrer une pensée dans la tête qui n'est pas une pensée que vous vivriez dans le monde d'habitude. Et si vous allez, si vous continuez cette expérience-là avec lui, vous allez être surpris des pensées qui peuvent vous faire rentrer dans l'esprit en faisant vibrer votre esprit. Et ça, ça va vous faire comprendre une fois pour toutes que les pensées ne servent pas l'homme et que toutes les pensées violent l'intelligence humaine. Il y a une différence fondamentale entre une pensée qui est cosmique et une pensée qui est planétaire ou subjective. Une pensée qui est cosmique, elle est toujours le résultat d'une communication entre l'ajusteur de pensée et l'homme. Toujours. Et elle a toujours le caractère de ne pas être personnelle. Ce qui nous donne la capacité à nous de réaliser que, effectivement, on vit une communication. Puis là, je demandais, je disais, qu'est-ce que c'est qui fait? J'ai dit, donne-moi un exemple dans ma tête d'une. Comment est-ce que vous pouvez créer dans notre tête une pensée qui n'a pas la qualité d'être personnelle, une pensée que moi je penserais, qui n'a pas la qualité d'être la pensée de Bernard? Fait que là, il dit, je vais faire vibrer ton esprit, puis il va en rentrer une pensée, bien, à un autre niveau, parce que je vais faire vibrer ton esprit à un autre taux vibratoire. Fait qu'effectivement, il a fait vibrer mon esprit à un autre taux vibratoire, puis là, j'ai eu une autre pensée, c'était comme la pensée d'une femme. Tu sais, une femme criarde. Fait que moi, j'aurais pas de pensée criarde dans ma tête comme une femme. Comprends-tu ce que je veux dire? Ce que je veux faire reconnaître, c'est que les pensées subjectives ne servent pas l'homme, elles le desservent. Et que l'homme n'a pas besoin de penser pour savoir. Et que l'homme doit réaliser que ses pensées ne le servent jamais. Ça va vous prendre un certain temps pour comprendre ce que je veux dire. Mais un jour, vous allez réaliser que vos pensées ne vous servent jamais, et à ce moment-là, vous allez réaliser que vous n'avez jamais besoin de penser pour faire quelque chose. Quand vous allez pouvoir faire quelque chose, acheter une maison, acheter un char, acheter un sou, prendre des décisions sans jamais penser, c'est à ce moment-là que vous allez prendre des décisions qui sont extrêmement créatives et qui vont mettre de l'aplomb dans votre vie. Bon, là, je vous ai donné un peu le tableau d'hier. Si les pensées ne servent pas l'homme, pourquoi sont-elles là? Pourquoi l'homme est-il affligé de ses pensées? Et la raison pour laquelle il est affligé, c'est parce que la vibration de son corps mental n'est pas assez élevée. De sorte que l'homme, le mental humain, fonctionne un peu comme la barbotte. C'est une barbotte, c'est toujours dans l'eau savonneuse. C'est toujours dans l'eau troublée, une barbotte. C'est pas dans l'eau claire. Une truite, c'est dans l'eau claire. Une barbotte, c'est tout dans la crotte, quelque part. Et le mental humain est comme ça. Sa vibration est tellement basse qu'il est toujours, il barbotte constamment dans des états inférieurs où la pensée existe. Et qu'est-ce qui donne à son mental inférieur cette basse vibration? C'est son émotivité. Quand l'homme se conscientise et qu'il commence à prendre conscience de son émotivité et qu'il transmute lentement son corps astral, la vibration du corps mental change, de sorte que ces pensées-là, même quand l'ajusteur de pensée fait vibrer son esprit, ces pensées-là ne peuvent pas venir à son esprit parce que son esprit est rendu à une vibration ici. Alors, à ce moment-là, l'homme n'a plus besoin des pensées et n'est plus asservi par les pensées. Il réalise, une fois pour toutes, que le meilleur état d'esprit pour l'homme, c'est d'avoir la tête vide. Quand on dit que la pensée ne sert pas l'homme, On dit deux choses. On dit d'abord que l'homme est asservi par la pensée et qu'il a l'impression d'être servi par la pensée quand il se sert de la pensée pour se donner sur le plan matériel des choses, pour construire, pour faire. Alors, l'illusion que la pensée le sert est extrêmement grande. Elle est même presque absolue, cette pensée-là, cette illusion-là. Et c'est pour ça que l'homme qui va vers la conscience supramentale, qui développe une autre vibration dans son mental, subit un choc psychologique, subit une transformation de sa personnalité, subit un vide et se sent mal à l'aise pendant un certain temps dans un vide parce qu'il n'y a plus le matériel qu'il avait avant. Il n'y a plus le même matériel. Alors, il se sent un peu décousu jusqu'au moment où il est suffisamment ajusté dans cette nouvelle vibration que là, il se sent bien et qu'il ne voudrait pas retourner en arrière. Le phénomène de la pensée humaine n'a jamais été expliqué à l'humanité. Et ce phénomène est consistant avec la domination de l'homme par des intelligences dans des éthers qui vont jusque à la hiérarchie luciférique, luciférienne. De sorte que l'homme, bien qu'il ait l'impression d'être dans une intelligence quelconque à cause de sa pensée, est effectivement complètement en dehors de l'intelligence jusqu'au jour où il réalise que toute pensée en lui le viole. Toute pensée en lui viole son intelligence, quelle que soit la vibration de cette pensée, quelle que soit la nature de cette pensée et quelle que soit en apparence la valeur sociale, civilisatrice de cette pensée. C'est une situation extrêmement grave pour l'humanité, c'est une situation extrêmement dangereuse pour l'homme et c'est une situation qui, à la fin du cycle, sera totalement renversée de sorte que il se produira dans un certain nombre d'hommes en évolution sur la planète Terre effectivement une révolution psychologique. C'est-à-dire une façon de voir les choses, non pas par la pensée qui le viole, mais par la vibration qui lui dévoile le pouvoir de sa parole au lieu de lui dévoiler le pouvoir de sa pensée. L'homme doit perdre le pouvoir de la pensée et découvrir le pouvoir de la parole, parce qu'une fois qu'il a le pouvoir de la parole, qu'il est dans le vide de la pensée, il n'a plus besoin de la pensée. Et le pouvoir de la parole servira à d'autres hommes qui sont encore au stage de la pensée pour les amener, eux, au stage de la parole, pour que la parole, éventuellement, au cours des siècles, descende, que la pensée de la conscience supramentale descende sur la terre et que les hommes puissent construire dans le milieu matériel des conditions de vie qui sont bénéfiques à l'homme et qui ne sont pas retardés dans leur évolution à cause de la très grande lenteur de la pensée subjective. Une pensée subjective, c'est extrêmement lent. Techniquement parlant, c'est rapide, mais du point de vue vibratoire, du point de vue de la relation entre l'homme et l'ajusteur de pensée, une pensée, c'est extrêmement lent. Et c'est justement à cause de la lenteur de la pensée que l'esprit de l'homme est alourdi et que l'esprit de l'homme est incapable de vérifier instantanément la teneur de son intelligence vis-à-vis la pensée. Parce que dans tous les hommes, il y a deux aspects. Dans tout homme, il y a le phénomène de pensée. Dans tout homme, il y a le phénomène du penseur, mais dans tout homme, il y a aussi le phénomène de la vibration de l'intelligence. Et les hommes doivent en arriver un jour à être suffisamment dans l'intelligence, ou dans leur intelligence, ou près de leur intelligence, pour pouvoir instantanément réaliser, par la vibration de leur intelligence, la teneur de leur pensée. Quand les hommes seront capables vibratoirement de réaliser la teneur d'une pensée, de la mesurer, cette pensée-là, ils seront capables automatiquement de la rejeter et d'aller au-delà de la pensée, c'est-à-dire de revenir dans leur intelligence qui, énergétiquement, est bloquée par la présence de cette pensée dans l'éther mental où ils se trouvent. Les gens ont l'impression, les gens qui commencent dans l'évolution vers la conscience supramentale, ont l'impression qu'ils fonctionnent simplement au niveau de la pensée. Ça, c'est pas vrai. Il n'y a pas une personne dans la salle ici qui fonctionne simplement au niveau de la pensée. Beaucoup de personnes fonctionnent au niveau de la pensée. Mais tout le monde dans la salle fonctionne au niveau vibratoire de l'intelligence universelle, mais cette vibration est tellement faible qu'ils ne sont pas capables de voir, de se servir de cette vibration pour mesurer la teneur de la pensée. Et pourquoi? Parce que ils ont en eux trop d'émotivité. C'est l'émotivité en eux qui bloque la perception vibratoire de leur intelligence, leur permettant de connaître la teneur de leur pensée et de réaliser ensuite que la pensée, effectivement, est un faux billet de banque. Que cette pensée, malgré toutes ses allures positives, on ne parlera pas de la pensée négative, là, mais on va parler de la pensée positive, que cette pensée est effectivement un faux billet de banque qui amène l'individu à vivre d'une forme qu'éventuellement il doit détruire pour libérer en lui l'énergie de la vibration pour la faire faire ou pour la faire agir. Combien de fois les gens ont des idées? Et lorsqu'ils ont des idées, ils vont d'après les idées. Tu ne peux pas aller d'après les idées. Si tu veux vivre une vie qui est consistante avec la vibration de l'intelligence, tu ne peux pas aller avec les idées. Tu dois aller avec la vibration de l'idée. Une idée, c'est une pensée qui correspond à votre condition émotive et mentale. Mais la vibration de votre intelligence peut vous permettre de voir à travers l'idée, de la corriger, cette idée, de voir sa temporanéité, de voir à l'intérieur de l'idée qu'il y a du temps, que l'idée qui vous passe par la tête, c'est pas pour tout de suite, mais c'est pour dans 2 semaines. C'est la vibration de l'intelligence en vous qui va vous permettre de faire une analyse vibratoire de la teneur réelle, événementielle de l'idée qui vous vient à la tête par le mécanisme de la pensée. Mais les gens font pas ça. Lorsqu'ils ont l'idée et que l'idée est développée par le mécanisme de la pensée, ils se servent tout de suite de la pensée et ils s'aperçoivent que soit qu'il y a une erreur ou qu'il y a une inconsistance ou que ça fonctionne pas comme il aurait voulu. Ça peut pas fonctionner comme vous auriez voulu parce que la pensée ne fait pas partie de vous. La pensée fait partie d'un éther extrêmement vaste dans lequel il y a énormément de matériel. Bon, je vais vous l'expliquer. Quand vous allez dans un lac ou dans la mer, vous regardez des poissons. Il y a toujours de la nourriture pour un poisson. Ça défie les lois de probabilité. Tu regardes des petits poissons pistons, ils ont toujours la bouche ouverte, il y a toujours de la nourriture, il y a toujours de la nourriture. Il y a n'importe où, il y a toujours de la nourriture. La pensée, c'est la même chose, elle est toujours là. Il y a toujours de la pensée prête pour rentrer dans l'esprit de l'homme. Et la présence de la pensée est tellement permanente, elle est tellement grande, elle est tellement absolue que l'homme a l'impression que la pensée qu'il pense, c'est la pensée qu'il doit penser, puis c'est pas vrai. La pensée qui pense, c'est pas la pensée qui doit penser, c'est la pensée qui est rentrée dans son esprit parce que l'ajusteur a fait vibrer son esprit qui a permis l'absorption de cette pensée-là dans l'éther de son esprit pour son expérience. C'est un jeu, c'est ultimement le jeu cosmique. C'est ultimement une des dernières frontières de la réalité subjective planétaire de l'homme. L'homme qui a compris ceci n'est plus homme, il entre dans le cycle de l'évolution du surhomme. C'est effectivement le dévoilement final. C'est effectivement la réalisation parfaite et totale de l'impuissance de l'homme de se servir de l'énergie de l'intelligence et de se servir au lieu d'un autre matériel qui était autour de lui, mais qui est tellement autour de lui qu'il se sent obligé de s'en servir. C'est extraordinaire. Et l'ego est tellement peu habitué à ne pas se servir de ce matériel-là de la pensée qu'aussitôt que ça arrête cette affaire-là et qu'il commence à avoir un break parce que l'agiteur de pensée ne fait pas vibrer son esprit de sorte que des pensées ne rentrent pas par osmose dans son esprit. Aussitôt que ça se produit, l'ego il est tout en compote là, puis il dit « C'est-tu plate? Il se passe rien dans ma tête. » Niaiseux. Tombe en dépression. Et effectivement, c'est ce qui se produit. L'ego sent une dépression, l'ego sent un vide, l'ego sent une sorte de solitude, il sent même une tristesse. L'ego sent toutes sortes de choses. Parce que, tout d'un coup, il y a un break d'en haut. Fait qu'en haut, il te donne un break, puis toi, niaiseux, tu te dégonfles. Jusqu'à temps que l'ego ait tellement bien compris sa leçon, qu'à ce moment-là, il peut bénéficier du break, puis à ce moment-là, il se dégonfle plus. Alors, si la pensée viole l'intelligence de l'homme, demandez-vous pas pourquoi est-ce que l'homme n'est pas intelligent. La pensée ne vous rendra jamais intelligent, c'est impossible, parce que la pensée n'appartient pas à l'intelligence. La pensée a été créée pour l'involution, pour permettre que se développe l'éther mental de l'homme. Et ce qui s'est produit, c'est qu'il est venu un temps où, au lieu de simplement développer l'éther mental de l'homme, elle a dominé l'éther mental de l'homme, c'est ce qui a créé la condition subjective de l'involution que nous connaissons à la fin du 20e siècle. Autrement dit, le phénomène de la pensée, la phénoménalisation de la pensée, est allé trop loin. C'est allé trop loin. Il n'y a pas eu de check fait avant. S'il y avait eu un check de fait de 2000 ans, 5000 ans, 10 000 ans, ça ne serait pas allé aussi loin. Mais d'un autre côté, on n'aurait pas développé l'éther mental que nous avons aujourd'hui. De sorte qu'aujourd'hui, on a l'éther mental qui peut se réajuster et on peut entrer dans une phase d'évolution où on a un éther mental puissant, suffisamment capable d'absorber l'énergie et se mettre en harmonie vibratoire avec la vibration qui est manipulée par l'ajusteur de pensée ou la conscience cosmique. Mais pour réaliser que la pensée, que toute pensée, que n'importe quelle pensée nous viole, c'est pas facile. Parce que, comme je disais tout à l'heure, les lois de probabilité en faveur de la mécanisation de la pensée sont tellement grandes. Autrement dit, la présence, la permanence de la pensée dans l'esprit de l'homme est tellement grande que l'homme a l'impression que penser, c'est normal. Que les bonnes pensées sont bonnes. Les bonnes pensées ne peuvent pas être plus bonnes que les mauvaises pensées parce qu'une pensée, c'est pas bon anyway. Pourquoi est-ce que vous avez des bonnes pensées? Parce qu'émotivement, vous avez une certaine vibration. Pourquoi vous avez des mauvaises pensées? Parce qu'émotivement, vous avez une autre vibration. Que vous ayez des bonnes pensées ou des mauvaises pensées, ça change absolument en rien le fait que toutes vos pensées violent votre intelligence. Les mauvaises encore plus que les bonnes. Mais ça, c'est subtil encore. Parce que quand l'homme commence à se conscientiser, quand tu commences à comprendre le jeu de la pensée et qu'il commence à réaliser que la permanence des pensées, que leur polarité n'est qu'un asservissement de son intelligence, l'homme doit être capable, par ses vibrations, par l'intelligence vibratoire en lui, de se servir de la pensée bonne et de la pensée mauvaise et de les switcher. De les switcher. Et en les switchant, ils transmettent. Autrement dit, si tu as une pensée cochonne dans ta tête, est plus importante cette pensée-là qu'une pensée bonne, parce que cette pensée cochonne-là va te casser les pieds. Tandis que la pensée qui est bonne, elle, tu vas la garder parce qu'elle est bonne. C'est du bonbon. Et l'homme doit être capable de transposer la pensée cochonne, ou la pensée négative, en une énergie positive, Il doit être capable de prendre la pensée positive en une énergie négative. Puis ça, essayez pas d'interpréter ça parce que vous allez faire des erreurs. L'expérience vous le prouvera. Fait que, hey, j'ai fait de l'expérience. Parce que je trouvais ça comique. Fait que j'ai dit, fait vibrer mon esprit, là, pour voir. Parce que moi, je pense pas trop. J'ai fait vibrer mon esprit. D'un coup, il me rentre une pensée dans la tête, là, que moi, je penserais pas. C'était une pensée, là, c'était une pensée positive. C'était comme, comment c'était, là? En tout cas, là-dedans, il y avait le mot Seigneur, là-dedans. Puis, Seigneur, sauver le monde. Une niaiserie même. Tu sais, une affaire. Bon, le monde est en perte. Tu sais, comme on retrouve dans le catéchisme, là. Il y avait une pensée de même qui me rentrait en tête. Puis, là, j'ai dit, donne-moi un autre qui a une polarité négative. Là, je n'ai eu une. Mange la marque. Là, ça a passé vite, vite, vite. Parce que des fois, c'est bien le fun de parler, parler, parler, mais des fois, j'aime ça aussi moi-même vivre ce que je parle. Puis ils ont continué ça pendant un bon 5 minutes. Pis c'est extraordinaire, parce que c'est bien plus extraordinaire pour moi de réaliser ça que pour vous autres, parce que moi, je pense pas, fait que pour moi, c'est neuf. C'est extraordinaire de réaliser que la polarité des pensées est toujours en relation avec la vibration que le gestionnaire de pensée impose sur votre esprit. Fait que tu comprends que nous autres, les hommes sur la Terre, il vient un point où il est temps qu'on comprenne la game. Parce que si on ne comprend pas la game, c'est-à-dire que si on n'a pas suffisamment d'intelligence vibratoire, puis tous les hommes ont un ajusteur de pensée. Alors, tous les hommes ont une intelligence vibratoire. Si on n'a pas suffisamment d'intelligence vibratoire, on ne peut pas neutraliser l'effet émotif des pensées dans nos personnes. Alors, automatiquement, on engendre de plus en plus d'émotivité, et l'émotivité nous rend encore plus susceptibles à recevoir des pensées, et ça devient un cercle vicieux. Si l'homme réalise qu'il est violé par la pensée, à ce moment-là, il se développe en lui une sorte de colère dans son esprit quand de la pensée se formule en lui. Une sorte de colère. Et cette colère-là, elle est bonne parce qu'elle lui permet en tant qu'homme de se servir de la vibration qui provient de son contact avec l'ajusteur de pensée pour élever le taux vibratoire de son corps mental. Et c'est comme ça que l'homme devient de plus en plus mental. Mais pour qu'il devienne de plus en plus mental, faut qu'il en arrive à saisir le fait que toute pensée est anti-homme. Que toute pensée ne le sert pas, que c'est simplement un cassage de pied. Si on prend l'éther mental et qu'on regarde comment ça fonctionne, l'éther mental ou ce que vous appelez vous autres l'esprit, on réalise deux choses. On réalise d'abord qu'il y a des pensées dans les éthers, mais qu'aucune de ces pensées-là n'a été créée par l'homme. Vous autres, vous avez l'impression que vous pensez des pensées que ça s'en va dans les éthers. Ça ne marche pas de même. L'homme est impuissant à créer la pensée. Il la vit. Il la subit, la pensée. Il n'y a pas un homme qui peut créer une pensée. On a l'impression qu'on crée des pensées parce qu'on a l'impression qu'on pense. Mais quand tu commences à sortir de cette illusion-là, de l'impression que tu penses, surtout quand tu es proche de la fusion puis tu réalises que tu ne peux pas faire ce que tu veux, à ce moment-là, tu réalises que ce n'est pas l'homme qui crée la pensée. Fait qu'il y a des milliards d'habitants sur la Terre, puis il y a des gars qui se cognent les... Il y a des gars qui se cognent les doigts avec le marteau, puis qui sacent. Il y a des gens qui mijotent dans leur tête. Il y a toutes sortes de monde. Il y a des milliards d'instantanéités sur la Terre aujourd'hui, puis depuis des siècles, où les humains ont l'impression de penser. Puis ils ont l'impression très précise, parce qu'ils voient qu'ils font des buildings, qu'ils font des avions, puis qu'ils font ci, puis qu'ils font ça. Puis dans le fond, c'est pas eux. Ce ne sont pas eux qui créent ces pensées-là. Ce sont eux qui les absorbent, ces pensées-là. Mais ces pensées-là existent déjà, et les pensées existent dans les éthers avant que l'homme fût sur la planète Terre. De sorte que le concept de l'avion, le concept de la prostituée, le concept de la belle-mère, ça existe avant que l'homme fût sur la Terre. Répète tout ça, Croteau. Avant que l'homme fût dans la matière, la pensée existait déjà dans la forme que l'homme la vit aujourd'hui. C'est au bout. Fait qu'imagine-toi qu'on a l'impression, c'est pas un qu'on a l'impression qu'on pense qu'on pense. On a même l'impression que c'est nous autres qui créons des pensées positives et des pensées négatives. Puis je vais vous l'expliquer un jour, qui est-ce qui a créé les pensées positives et les pensées négatives. Mais je peux vous assurer absolument aujourd'hui que l'homme n'a jamais créé une pensée positive et n'a jamais créé une pensée négative, que les pensées que vive l'homme, il est soumis à ces pensées-là. Parce qu'il y a dans des plans supérieurs des forces qui font vibrer son esprit, qui absorbent par osmose magnétique ces pensées-là. Fait que mettez ça dans votre pipe. Fait que tu comprends que l'ego qui commence à réaliser ça, puis quand tu regardes ça à une échelle mondiale, tu t'aperçois que la game n'est pas renée d'ici. Puis, il vient un temps qu'il faut que la game elle soit renée d'ici, parce que si elle n'est pas renée d'ici, la game, on va se faire enculer, c'est sûr. C'est toi qui as des guerres. C'est même pas nous autres qui créons nos pensées. Ils sont absorbés dans notre esprit par vibration. C'est du magnétisme. Fait qu'il y a deux étapes dans cette affaire-là. Il y a l'étape que je vous ai dit dans le séminaire quand je vous ai dit « Tu penses que tu penses, c'est correct ça? » Mais il y a l'autre étape que les pensées n'ont pas été créées par les forces de la lumière. Les pensées ont été créées par les forces qui sont anti-hommes. Ça, qu'est-ce qu'il nous reste, nous autres, les hommes, ici, avec notre civilisation? Il ne nous reste rien. Notre civilisation, c'est un blueprint des intelligences qui sont dans des éthers extérieurs à notre planète. Si je vous disais, moi, qu'une grande majorité, qu'une grande proportion des activités militaires aujourd'hui sur notre planète, et depuis très longtemps, sont contrôlées des éthers plutoniens. Autrement dit, toute la science militaire, les avions, les bombes, les gaz chimiques, toute la cochonnerie de la guerre, ces pensées-là sont créées à partir des éthers plutoniens. Je suis sûr que Ménard est capable de confirmer ça, au niveau astrologique en tout cas. Regardez les guerres, puis regardez les positions plutoniennes, vous allez voir qu'il y a une relation toujours entre Pluton et la guerre, tout le temps. Et différentes planètes créent différentes sortes de pensées. Il y a des planètes qui sont spécialisées dans des pensées spirituelles, puis il y a des planètes qui sont spécialisées dans des pensées opposées. Chaque planète a... Puis je vais vous dire une chose qui n'a jamais été dit à l'humanité. La fonction des planètes dans l'univers, c'est de créer des pensées. Alors, si vous me demandez qu'est-ce que c'est la fonction de la Lune, puis Mars, puis Vénus, puis Pluton, puis les planètes en dehors de notre galaxie, de notre système solaire, leur fonction, c'est de créer des pensées. Puis qu'est-ce que c'est la grosse production universelle et galactique? Nous autres, sur la Terre, la production, c'est des meubles, des souliers, des vêtements. La production dans les autres planètes, dans les éthers des autres planètes, c'est des pensées. Mets ça en votre pipe. Puis nous autres, on est des distributeurs. On mange des pensées. On est des mangeurs de pensées. Fait que vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il y a tant de planètes? Les gens, c'est une question humaine. Ça. Comment se fait qu'il y a tant de planètes dans la galaxie? Comment se fait qu'il y a tant d'étoiles? Comment se fait qu'il y a tant? Parce que c'est nécessaire qu'il y ait tant de planètes pour créer tant de pensées. Ça en prend des planètes pour créer des pensées comme il y en a dans l'univers. Puis là, je parle avec des pensées humaines. Puis un jour, je vous dirai que les minéraux ont des pensées, puis les plantes ont des pensées, puis les animaux ont des pensées, puis les hommes ont des pensées, puis le surhomme a des pensées, puis au fur et à mesure que tu montes dans l'échelle de l'évolution, il y a des pensées seulement. Ce sont des pensées qui ont une vibration différente. C'est pour ça qu'on dit souvent, le singe est intelligent. Pourquoi est-ce qu'il est intelligent, le singe? Parce qu'il a des pensées, mais c'est pas des pensées qui pensent. Comme nous autres. Nous autres, nos pensées sont un petit peu plus avancées, plus complexes dans la structure. Vous regarderez ça un jour, une pensée, comment c'est fait. C'est au bout. C'est de la géométrie de lumière, une pensée. Puis il y a des intelligences dans le cosmos qui connaissent les lois de la pensée puis qui peuvent te faire, ils peuvent te créer des pensées pour n'importe quoi. Il y a des civilisations qui se spécialisent dans la création de certaines pensées. Ils se spécialisent. Ils sont tellement avancés qu'un homme qui va en esprit dans ces civilisations-là, puis qui revient, il pense plus. Parce qu'il connaît la game. Alors là, la question fondamentale que tout le monde se demande, comment se fait qu'il y a tant de planètes dans l'univers, c'est pas pour rien, c'est parce que l'univers doit produire énormément de pensées et chaque planète se spécialise. Alors, il y a des planètes qui se... Pluton crée certaines pensées, Vénus, Mars, la Lune, chaque planète crée certaines pensées. Puis nous autres, on les mange, puis on les pense, puis on en souffle émotivement, puis on les prend au sérieux. Fait qu'imagine-toi qu'on n'est pas des maudits cocons. Vient ensuite le surhomme. Vient ensuite l'homme de la Terre. Vient ensuite l'homme qui sait. Vient ensuite l'homme qui pense plus, mais qui communique. Vient ensuite l'homme qui parle avec. Avec qui? L'homme parle avec des êtres qui ne créent pas des pensées, mais qui les ajustent. Ça, c'est l'autre niveau. Alors, dans l'organisation universelle, il y a des ajusteurs de pensées dans ces mondes-là. Leur job, eux autres, c'est d'ajuster les pensées. Puis en dessous d'eux autres, c'est d'écrire les pensées. Puis nous autres, on vit la plupart, la plus grande partie, la majeure partie de notre vie à vivre les pensées sans réaliser l'ajustement des pensées, ce qui nous empêche, nous autres, de communiquer avec les ajusteurs de pensées pour être ajustés dans notre pensée, pour ne pas être assujetti à la pensée créée par des intelligences inférieures et très avancées dans les mondes des planètes invisibles. De là la nécessité de l'homme de fusionner avec l'ajusteur de pensée. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'homme fusionne avec l'ajusteur de pensée, fusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire syntonisation vibratoire entre ton esprit et son énergie. Une fois que l'homme est syntonisé entre son esprit et l'énergie de l'ajusteur de pensée, il ne peut plus souffrir de la pensée et automatiquement, il ne peut plus être dominé par les fabricateurs de pensées sur les différentes planètes de la galaxie. Alors, qu'est-ce qui se produit à ce moment-là pour l'homme? L'homme devient lui-même un nouveau fabricateur de pensées. Et c'est pour ça que lorsque l'homme ira dans les éthers, l'homme créera des formes. Et quand on parle de créer des formes dans les éthers, c'est justement ça, c'est créer des nouvelles pensées pour que d'autres êtres plus tard, peut-être des animaux, des plantes, du minéral, absorbent ces pensées-là pour créer de nouvelles civilisations. C'est ça l'évolution. L'homme doit un jour devenir un créateur de pensées. Mais l'homme créera des pensées à partir de l'éther terrestre. Et c'est la première fois que la Terre servira cosmiquement, parce que ça sera la première fois que la Terre deviendra un laboratoire cosmique. Que l'homme sur la Terre, conscient en fusion, en union avec l'ajusteur de pensée, pourra être capable, pourra créer des pensées qui serviront au royaume inférieur. Mais pour que l'homme en arrive à créer des pensées, il faut qu'il sache comment ça marche. Là, je vous l'explique. Je commence. Je n'ai pas commencé encore. Il y a des conditions qui existent pour créer des pensées. Et la condition fondamentale pour créer une pensée, c'est être en dehors des lois de la pensée. Et être en dehors des lois de la pensée, ça veut dire ne pas être affecté, affligé émotivement et intellectuellement par une pensée. Quand un homme n'est plus affligé émotivement ou intellectuellement par une pensée, il est maître de l'énergie de vie et il a le droit et le pouvoir de créer de la pensée. Et à ce moment-là, l'homme devient un être créateur, et c'est ça que ça veut dire, devenir un être créateur. Ça veut dire créer des formes qui, éventuellement, peuvent être densifiées et servir à l'évolution d'une nouvelle civilisation. Ça nous amène à comprendre un peu encore plus loin la nature du mal. Qu'est-ce que c'est le mal? Le mal, c'est le bien que l'on conçoit en vertu du fait que l'on pense que le bien est meilleur que le mal parce que le mal nous répugne. Le mal, c'est la capacité que nous avons de rejeter le bien quand il ne fait pas notre affaire pour prendre le mal quand il fait notre affaire. Le mal, c'est l'impression que nous avons de regarder dans le trou noir de nos pensées qui font partie de la mémoire de notre âme, nous permettant de ressusciter en nous l'expérience que nous avons de notre passé pour nous permettre de voir que dans l'avenir, il y a de l'espoir pour notre évolution. Le mal, c'est l'intégration possible de tous les hommes avec l'esprit de la pensée, lui permettant éventuellement de partir de son esprit et de descendre dans son anti-esprit. Et l'anti-esprit de l'homme, c'est l'astral. Le mal, c'est tout ce qui permet à l'homme de construire. Ça, celle-là est bonne. Le bien, c'est tout ce qui permet à l'homme de penser qu'il peut construire. Et l'intelligence, c'est la création. Les gens viennent me voir et disent que des fois, je dis comment ça va. Ça va bien. Des fois, ça va mieux. Des fois, ils trouvent ça long et ils trouvent ça dur. Soyez assurés. Soyez assurés que le temps crée le plateau dont tous les hommes ont besoin pour être bien dans leur peau. Soyez assurés de ça. En attendant, vous n'avez pas de choix que de vivre vos états de transmutation. Vous n'avez pas de choix. Parce que vous en savez déjà trop. Et quand on en sait déjà trop, on ne veut pas en savoir moins. Et automatiquement, on va vers la conscientisation. C'est la seule façon de protéger vos esprits contre la destruction de vos esprits. Si vos esprits comprenaient, si vos esprits étaient trop dans l'énergie de l'intelligence trop vite, si vous étiez bien dans votre peau trop vite, vous souffririez parce que vos corps ne seraient pas ajustés. Vous n'avez pas d'idée qu'est-ce que c'est de l'intelligence. Vous n'avez pas d'idée qu'est-ce que c'est. Vous avez une idée qu'est-ce que c'est, mais vous n'avez pas d'idée qu'est-ce que c'est. Puis l'idée que vous avez qu'est-ce que c'est une idée extrêmement faible de ce que c'est.